Abu Bakar la ki ci deuxième moy kan Imran ibn Hussein ñettel moy Abu Mukhtar ñettel bi nak moy Sayyidna Umar radhiyallahu anhu mom nak jaay li ñi ci dess ñëméwul won mom moko ñëmé parce que ñi ci dess xam nga yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam buy daal nelaw ñom duñ ko bëgg yé lan motax duñ ko bëgg yé parce que amana wax yu doy ñew loolu la mom parce que amana wax yu doy wacc té bu boba ñu dagg wax yu bi parce que xam nga yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam da daan am wax yu ci ni révélation comme ni comme nim ko daan amé suñu nelaw tamit waaw parfois day nelaw ñu diko waxe mu yew daal ni ah wax yu nañ ma nangam ak nangam parce que ben la en fait parce que bobu bi ci dess al benen alam benen aduna rek du lay dugg moy xeyal bi jeex na legui mu yeralti bi sallallahu alayhi wasallam kon Sayyidna Umar radhiyallahu anhu bimu yewoo mu ne nan lañ koy yewé Sayyidna Umar radhiyallahu anhu daane mune farafa as-sawt bi takbir mu yegiti kaddom ci di kabar Allahu akbar Allahu akbar manam ngir yemu ci bidanti gu metti gi ñu bidanti situation bi ñu mel maintenant Allahu akbar bobu pour baña yeyent fa mais dafa yikiti batam ci kaw ba yent bi sallallahu alayhi wasallam yew yent bi sallallahu alayhi wasallam yew après ñu dem japp manam kenn am ño xam dañ dafa japp lolu moy wone amon nañ dox mi bari wul won tout ndox mu touti lañu yoram ñi japp ñi ki legui nak yeralti bi sallallahu alayhi wasallam gis biñu ñëwé di julli après ñu dem julli mais biñu julli dañu ñëk julli ñaari rakkay fajar dogu julli ñaari rakkay suba and ak me jant bi lan na djukku lolu da ngay ci do fa am benen lolu dañ ci xamé benen affaire moy ne cas de figure yi possible ci nit ci su yewoo fekk waxtu fajar duggu sina wala jant bi di waju djuk wala jant bi di waju djuk wala jant bi wessu ñet cas de figure bu ñeuk bi moy yewuna te digeunte bi mën na ci julli ñaar rakay fajar ak numu bon bon ben rakay suba ak numu bon bon ben rakay lan suba pa ñaar mais ben kisse bu ko ci mëne julli baxna bu boba day julli ñaar rakay fajar julli suba ndax hadithu abu hurayra radhiyallahu anhu bi ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena man adraka rak'atan faqad adraka as-salah man adraka rak'atan qabla tul ci amna benen riwaya man adraka rak'atan qabla tulu' ash-shams faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan qabla ghurub ash-shams faqad adraka al-'asr kep ko hadith bi mi ngi ci sahih imam bukhari ak bu imam muslim rahmatullahi alayhi ma mune kep ko xamantene da nga fekke manam jot nga am benen rak'a parce que hadith bi dafa am de manière globale am de manière particulière manam dafa am dafa nek general lo ba pare am ci yeneen riwaya dafa am yu particulier yu préciser ay cas de figure bi nga xamne dafa general moy ben rakka soko fekkewe am nga julli bi lolou moy lan lolou bu generalé non moy buma amé ben rakka par exemple mo ñëwé fekk imam bi di julli ma am ben rakka moy fekk na julli bi manam amna julli mbolo bi ak imam bi su fekkenté na dama ñëw par exemple ben rakka ma fekk ko ci julli bo xamantene xeyna aljuma la par exemple boba damay continuer julli aljuma manam damay djug rek mortali benen rakka aljuma mais su fekke tane mataluma ben rakka nak bu boba damay julli tisba te ben rakka mi ngi fasu ci rokoo bi motax rakka ñu tuddé ko rakka ndax rokoo bi ci lay faso am est comprendre ngeen lan moy lan lay rokoo bi ci lay faso lan lay tekki han ci lay ci rakka ci roko lay faso lan lay tek non non ci lay faso moy suma ñewé jappal bu ba suma ñewé fekk imam bi taxaw nimay ma tardé benn julli ma tardé ñew fekk imam di julli kagn lay japp ne matal defna benn rakka ak kagn lay japp ne defuguma rakka suma ñewé fekk imam bi ci roko bi manam suma ko fekke mu taxaw di tari fatiha fekke na rakka bok suma ñewé fekk mu tari fatiha ak saan fekke na rakka bi suma ñewé fekk mu roko ni allahu akbar daali roko fekke na rakka bi fi jugugul ci roko bi rek ma ngi ci rakka bi imam bi ne mais su fekente ne dafa ne sami allahu liman hamida man ma doga wax ma ndo ma doko fek ci rakka bobu damay continuer ak mom ci lan ci julli bi waye nak rakka bobu duma ko konté ndax bobu ndax fas ndax sama rakka amul ndax fekkewuma rakka lolou lay tek manam ci roko lay faso bax negi ah su fekkete ne meuna fekki kon ben rakka rek fekkena lan fekkena julli bi legui nak lolou tam lan lay tek mu ne ku fekke ben rakka ku julli ben rakka avant jant bi di lan di fenk lever du soleil suma amé ben rakka ci suba gi moy julli na suba ci waxtom parce que waxtu bi moy day dem ba avant jant bi sop fenk su fekente ne fekke na ben rakka ci lan takusan julina ben rakka ci takusan avant jant bi lan so julina takusan ci waxtom donte yenen ñetti rakka yeb ci biti la ko julle manam donte yenen ñetti rakka yeb ma ngoy julle fan ci heure timisme bax li lay tek kon ce qui veut dire que legui ñu ñewat suñu masala bi bon masala bobu day dem ba ci werr bi gis nga ba ci werr bi daf ci dougal même masala parce que masala werr du tariikha bi dañu nuro lol ak masala yi nga xamne ñom ñoy waxtu julli yi ak julli yi niñ koy defé wa inshallah après legui masala biñu nek moy lan moy ñett cas de figure yi nga xamne mom lañuy wax bu ñëkk bi moy kon suma mëne am ben rakka avant jant bi buma amé mëne am ñaari rakkaay fajar yi bayil xel buma mëne am ñaari rakkaay fajar yi ak lan ben rakka ci suba jant bi dogo commencé jog bu boba lan na bu ba damay julli ñaar rakkaay fajar yi julli ben rakka bi après benen rakka ma julli ko ci biti waxtu bi mais ma ngi ci bir julli bi ma ngi ci bir waxtu julli na bax legui mu am benen cas de figure bi benen cas de figure bi moy lolo man tane moy suma julle ñaar rakkay fajar rek damay lan damay rafé ha suba bi duma ci am ben rakka bu mat lolu bu wax mais ben rakka bu mat bobu limi tek moy ben rakka bu mat seuk bu mat seuk ba jugat lolu lay tek bi fi duru ko bi kesse dedet ba ben rakka bu mat seuk legui bu fekke da lolu manumu ko am budé manuma ko am numay def damay julli suba la julli fajar gi dama koy fay après dama koy bayyi après bu jant bi jugge bu bax ma do ko fay bax ñettelu cas de figure bi moy lan ñettelu cas de figure bi moy jant bi mom legui jog na jant bi dafa jog complètement may do gëñu di julli bu boba numay def moy cas de figure bi damay jëk julli ñaari rakkay fajar dokke tek ñaar rakkay suba duma ne rek be moy farata dama koy julli duma wax lool damay julli ñaari rakkay dogu julli ñaar rakkay suba leng kon masala bi lool la legi nak yeralentibi sallallahu alayhi wasallam kon bi mu joge lool la ñëk def mais amna ci benen riwaya bi comparaison biñ nekké xeyba dañu nañu joggé ci xour wi nañu joggé ci lan tundu wi ñu nekkon manam moy gox parti biñ nekkon nañ dem fenen nañ déplacer wu touti parce que fi sheytane mo fi nek parce que motax ñu bidunti dafa am ay question fofu Non. Dédit, avant semaine bi, manam, parce que par deux semaines, dañuy def ben semaine bi hadisi, benen semaine bi kunuzu haqaiqi. Voilà. A théorie bi bu wulul maram la. Ah. Yaangi dég? Légui kon lool mom moy deuxième, mom moy kon yeen tout sa sam daf ni dañu dem ci yeneen tundu bi. Ñu dem fa julli fa, biñu démé julli ndeysan. Légui nak ci biir julli gi Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa gis mune fara a rajulan mu'tazilan mudi gis ben way bo xamne dafa beru bi mu beru ñu julli ba pare mu def sappe mune fa lam man sarafa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu julli ba pare qala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako ya fulan malaka alla tusalli ma'al qawmi wala ci bena malaka la tusalli fil qawmi yow diw ana lan mo la téré nga julli ñun ak nit ñi maam dafa kon waji dafa beru ne comme ni ñu julli waji mom beru ne lool amna benen masala bu ci nek te mom moy du dagan nit ki nit ñi di julli ni yow nga ber benen sappe ci ginnaw nek yow kesse lool mu du nek yeen subhanahu wa ta'ala bi ñu gisee ku def lool bi ñu julle bare dañ ko lan julli watal parce que julli wo parce que bu ñu nekké di sappe ni dañu nek ni di sappe yow nga nek ci kanam ci ginnaw yow kessé té am possibilité attention té am possibilité dugg ci rax ci sappe lool mom motax comme ni ñi gis leg leg ci yenn jakké yi nga xamantene dañuy julli ni di ranger benn jotali kat mom nek fele mom kessé ak micro mom ñam ci gannaaw loolu hein loolu té mer deug la nak manam fuqa mazhab maliki rahmatullah alayhi ñu bari ci ñom dañuy wax na lool man naane mais buñu xolé le fait que yeen tib sallallahu alayhi wasallam téré won nit ko ma waxon nit ki ne ko rampal julli watal day wone ne loolu mu montane légui mu dess kon lan yeen tib sallallahu alayhi wasallam bimu ne ko yow diw lan mo la téré julli manam fofu tamit amna benen mbir bu fa nek moy yeen tib sallallahu alayhi wasallam djogul rek gis ko rek ni ko mais loy def ni yow hein ni ni djul li ngay top fofu quoi di tambambalu non non wax ko lolo loy tambambalu fofu non dani ko rek dako ñëk lacc hein est ce que yow lan mo la téré djul ak nit ñi parce que tamit nganti yi mëna tax manam nit ki def lu bokku tek li mu warona def dafa bari donc avant mu koy dal avant mu koy tek ben ak critique wala yoy daf koy ñëkk lan wax xol ba xam amul lan amul ngant amul excuse bu wara tax mu doxale ni lool tamit benen mbir la bo xamantene war nañ ko jangat wala ba nga melni sa masque nga xamantene lepp lo xamne dafa aju ci sunu mbir da nañ ko wutal ngant waye bu mbir mi xese bay concerne ñeneen rek mom amut ngant ñi ci dess amutu ngant ñun rek am ngant mais yalla nañu yara sam hein bana mel non amantene maam ñuy xol tamit nit ñi est ce amuñu excuse pour li ñi def lutax ñu doxale ni lutax ñu waxe ni lutax ñu doxale ni et cetera hein ko ñu wuta excuse señ Mamadou mais li touré ko ka bi hein ya dafa xamul won ni bu ko yekité dina tour bu ko ubé gaz bi day wat xeyna dako bayiwul won xel voilà donc lolu donc ñu bayi xel tamit affaire bob donc yeen tim salam bimu ko laaje yow lan mo la tekk nga ñu julli ak nit ñi xana lan mo lolu war te amna parce que amna ñeneen ñu ko xam xana yeen do len ay julit amna ñu ko mësoon wax moy lay wone tamit jul daganul ci mom nit ñi julli heure julli jot muy bañ di julli legi yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko waxe lolou yent gaay na ahan kay waji ne ko c'est que ya rasulallah asabatni janabatan wala ma yaw yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam man han man dama am janaba té ndox amul dama amé janaba té ndox amul manam ko expliquer na ko yeralti sallallahu alayhi wa sallam ka bi sa'id at-tayyib fa innahu yakfik djelal manam sa'id at-tayyib manam pak bu lap rek demal ci pak bu lap manam moy nga tim bo timé rek doyna la ci lol tam dang ci xamé né kon janaba ku amé janaba tamit bu waré tim day tim manam janaba du tim du pour ñap kessé mais ku amé janaba tamit day lan day tim su condition ndox wala mu baña ndox mu baña am ndox wala bok mu am ndox mo xamantene doyul pour mu mëna sangu ci sangu farata wala bok mu am ndox waye mënta jëfëndiko ndox bi parce que ñaka mëna jëfëndiko ndox mok ñak ndox mi ñoyam voilà deng wala sax amna wala wa bon yoyep day dugg manam ndox ma ngi fi gisoon nañ ko ci hadithu yakarna ci biñu jëk gis ci hadith yi la ne nit ki tay su ande ak fasam masalan te ndox mi bu ko bu hadith bi nek bi lol wa te ndox mi su ko su ci jappoy ba mu sangu ci farata fas wi day de ndax mar bu woba du dagan mom mu jappo wala mu sango parce que mom dana meuna lan tim dana meuna tim te fas wi mom ndox ñi mom munu ko ñak deng legui legui mu digal ko kon mu lan mu tim après nak imran ibn hussein radiyallahu anhu dane mu dadi yoni wo kenn ci mbolo mi deug nga xolal lu wax dafa wo kenn ci mbolo bi mais kan aw ñi solo hadith bi moy abu raja dafa melni bi pa nak mom mo fatte kan la parce que riwayat yi tudduñu kan la ba pare benen amna benen affaire tam bu mo fatte tuddu moy yeenati bi sallallahu alayhi wasallam bimu ne ko ya fulan yow diw xam nga ni koku amna tur kim ne ki nekkon ci ginnaw xam ngeen amna tur mais ben imran ibn hussein radhiyallahu anhu man waxul tur koku kan la wala bok ñi solo hadith waxuñu koku turam kan la ñi nga xamne ño sara hadith bi tamit waxuñu koku turam kan la lolu amna benen mbir buñ ci jang moy bu fekkentene da ngay souligner mbir te mbir moma am ak critique bu ci aju jarru ngay tuddu tour yi nan diw def na li wala diw wax na li neel rek amna ku def na ngam wala amna ku wax na ngam manam jarru ngay tuddu tour yi parce que tour bi ci jëmi bopam bareul jarign xam nga tay buma ne Ibra Sambu satchu yaay de pourtant li gënalo yomb moy mané amna ko satch mais satch nak baxul yeenati bi da koy téré nangam mo ci ki nangam mo gën manan Ibra Sambu satch na parce que Ibra Sambu satch na kessé bu mako tuddé day tax ben ki nga xamné mom ab satch la mom day japp né ndégaté du mom rek ay satch de ce fait da na out ben genre manam lu muy dalalé xélam consolation ben ñaarël ba mom moy day tax nit ñi ñaaw ndiot rek ak di tuddu lu bon ci Ibra Sambu mais te Ibra Sambu julit la parce que julit téréwul tamit def lo xamantene baaxul lool mën na né nit mën na nek julit ba paré def lu haram comme niko ñepp xamé ñi mucc ci lu baaxul mo bari wul hein troisième chose bi mom moy man ma ngi jëw Ibra Sambu parce que diou mom moy nga tuddu ci sa mbokk julit lo xamantene lan su fi nekkon soko tuddé du ko neex mo xam ñame nga ko wala ñami woko nak ñoyam xam nga comme ni gaay dox nono mais man jeewumako ankay parce que si yow koy diou ndax lan ndax su fi nekkon du ko neex charte bobu rek la moy su fi nekkon du ko neex legui su fi nekké nga wax ko ko nak bobu tamit baaxul ndax xass la tuddu yaay deug légui amna yenen problème ba paré day tax nit ki du gis ni graw na li Ibra Sambou def graw na parce que dafa sacc manam Ibra Sambou sacc na mom dafay gis rek ne mom fièvre bi rek lay gis ñu bari ci nit ñi buñuy joxogn wër wi ñom souvent duñu xol wër wi mais baram biñuy bi joxogn rek la di xom ah ñu bari ci nit ñi non lañ mel sumay joxogn wër wi nan wër wa ngi ne ñom baram bi rek la ni xom duñu xol wër ci bopam xam gisunu ne lima djiblu won ci manam bu mene Ibra Sambou sacc na lim warona jariñ moy lan ñu xamne a sacc baaxul ci limu def ki wul nangam han té lolu mën na ko am sambu tuddu turu Ibra Sambou tudde légui kon ñu delu ci wat ci hadith bi yeralti bi sallalahu alayhi wasallam kon daal du am ku mu wo mais koku mu wo tuddu ñuko mais comme li al-hafiz ibn hajar wa rahimahullah aman na ne kan la imran ibn husayn radhiyallahu anhu ci bopam parce que mom té lolu mom moy li nga xamné daanaka mën nañ ci dog lutax ndax événement bi nim ko netalé en détail plus que daf nan ñun manam di utiliser la deuxième personne du pluriel wala ba c'est la première personne du pluriel moy ñun nous moy wone né kon mom ci la bokkon té ñom ñaar rek lañ mom la won accident à l'île karamallahu wajhu mom la yentou sallallahu alayhi wasallam wo won né ko demal nga defal ma ngeen sétali di ma ndox parce que gis na ni ndox commencé manké na ci lan ci jotay bi dem leen ngeen wuti ji ndox lolu ñu daldi dem sawar ci lolu tam dafa am benen bir buñ ci jàngé moy né waruñu né manam tay buñ nan manam bu kenn foñu wala mu né way lutax bi xam nga man ki daf ma yeb parce que nit ñepp tok mu ma yoni man wala te xamul né affaire de toute façon il faut mu am ñukoy def il faut mu am ñukoy taxaw te wala reuy la te il faut mu am ñukoy taxawé bu ko kenn taxawul affaire du mëna dox wala ma ngi gis ben jour ben fast dama faté exactement nan la affaire bi kiwé ci Facebook bi mais fast mo marqué la da dañ ni daño waxon daño joxon ordre à tout le monde légui biñ joxé à tout le monde légui chacun japp né manam chacun ci parce que tout le monde la won ak chacun ak quelque ak personne légui biñ né joxé affaire bi tout le monde légui chacun japp né mo affaire bi quelque dina ko def légui quelque bi xamné defu ko nak personne né tamit mom du ko def après finalement ñu puni tout le monde rek parce que voilà manam ci ga voilà bon do faté exactement nan l'affaire mais à peu près lool mo nékkone ki bi dal ki global manam bu ko nek né non ñom diiw dinañ ko def ah ñom diiw nga dañ ko tax manam kenn ku ci nek bu ko waxé finalement affaire bi du dox kenn du ko def bon lool ben la benen bi tamit mom moy le fait que manam yentou sallallahu alayhi wasallam bu tanne manam tan kenn niki nonu non la mbir yep non la demé manam il faut bu amé xese ba am ben manam meun nañu jox ordre manam wala ay yenn ki directive kenn ku nek ci mbolo mi pour mu def ben affaire manam jeureu ne ko taxawel li nangam yoy manam kenn waru gis na tamit dafa dañ ko yap wala dañ ko yam lu bis wala yoy au contraire dafa wara gis ne mom borom bi manam subhanahu wa ta'ala da ka xewale surtout ci mbolo yu melni mu mbolo diine manam da ka xewale manam mom bok ci nga xamantene dañuy taxaw au moins ben parti bo xamne bu taxaw won affaire bi défaillance bo xamantene xeyna défaillance bobu dina yobbu ba affaire bi ci bopam nax say kenn ku ci nek rek fi nga meuna fete rek nga japp ne xeyna man dina fete fi tefi kenn baña japp ne tamit xeyna din ko yap wala dang ko ki wala yoy non demal tamit soneke njit bi mbolo da war tamit désigné voilà président président dengo lolo ah di désigné exactement mais yow diou yayi def li ci sax gaay dañ ko yombal parce que duñu xaar ko ñu alhamdullah deng li kon yeenent bi sallallahu alayhi wasallam kon bimu waxe ñom ñaar ñu dem wuti ji dox neena ñu dem bi ñu demé nak ñu dox dox bam yag neena ñu tassé fa laqina imra'at ñu am ndox jigen jo xamne dañu tassé mom jigen ñi nak dafa nekkon ci gilé mom hadith bi nimu ñëwé netalé wuko nonu mais le fait que ci biti hadith bi wala ne amul na gilém ci nga xamé ni dafa yoron gilém légui mu jël ñaari musada manam moy ñaari ba yo xamantene daf ko takkon ci tanki manam comme bo togué ci kaw ki bi gilém gi tak ki bi nonu tak jël boum tek ko ci kaw gilém gi ni tak ben ci ben wèt gi ben ba benen wèt bi benen ba muy ñaar ba paré mu yéw ko tekk ko han ba paré nak tek tankami ci digënté manam ci pour téyé bagué di dem ñu né ko ñu nuyu ko biñu tassé ak mom né ko ñun ndox lañu bëgg mu né ay ha ay ha mu né len woo ndox fa mu né ak sori bu sori sori la nek la ma alakum yeen do lan am ndox han yeen do lan am ndox ñu né ko mais lan mo nek suñu digënté ak ndox point d'eau bi nga xamné moy bi gëna ciégué manam bi nga amé ndox fan la mu né gis nga demb heure bi la fa joggé won demb heure bi la fa joggé ma ngi no dogé yex lool tamit benen mbir lañ ci xamé moy ñun xéewul gu mag gi ñéké ci am ndox manam mu ñuy accès facilement à l'eau hein subhanallah hein wallahi nga xamantene danaka sax yi buñ koy nessale dañuy fogné affaire yu ci yu yagala yu amul la yoyu danaka ay lepp lay gëna ciégué mais c'est parce que sa borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo ubbil xéewolam nit waaw motax tamit ñuy war di sant yalla tamit parce que xam nga comme la in shakartum la azidannakum yalla mako sa borom subhanahu wa ta'ala daf ni war giñ naani so len ma gëreme ma doli le so len ma santé ma doli le nonu tamit dañu war di ko sant manam mu ñuy dolé mais pas di tok tout temps ñuy japp di jambat rek way xam nga ligi dëkk bi dar du xutul xam nga ligi affaire bi da ngay waaw xam nga manam fo tollu rek di ci non mais dar non mais ligi c'est bon dar amatul ligi ci c'est la crise di critiquer rek ak di jambat hein dund gi dafa cher dund gi dafa li affaire bi ci nangam manam té buñu xamone né ñom xol ayyantu bi sallallahu alayhi wasallam ak ñim doon andal ñoñu gën fuf radiyallahu anhu and ak loolu ñom gis nga problème yi ñu doon dund ak yenn xéetu ki ñun yalla yombalal ñu daanaka lepp moyen de transport daanaka tay fi amatul koy wax luñu wax dund gi dafa cher yépp amul kenn ku fiy jog par exemple di dem fi ba Saint-Étienne wala par nan day dox amul té bu ñëk ba ñom dañ ko daan def bu affaire yi xawé metti amuñu fas wala mbam parce que dafa cher dañuy dox Hein? Hein? Nañu ndox mi dal da dembu dal heure bi la